Tu m'as menti et t'as trompé plus que personne. Je te pardonne, je te pardonne. Mais ce soir où notre repas c'est se déchire, je vais te dire lequel est ton vrai nom. Judas, tout comme Judas, tu as vécu près de moi en cachant au fond de toi la trahison et la haine. Baiser, baiser de Judas, ta lèvre donne un frisson dissimulant le poison, poison dont ton âme est pleine. À l'instant même où tu m'as dit je t'aime, je pense à celles qui t'ont cru et qui ne t'ont jamais revu, et je comprends que tu me mens. Alors va-t'en et laisse-moi ma peine. Judas, tout comme Judas, tu t'es glissé dans ma vie et le démon a permis que tu brûles dans mes veines. Judas, je pleure de t'aimer quand même, bien que tu m'aies fait souffrir. Quand je te verrai partir, je vais peut-être en mourir. Judas, Judas, Judas.